إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. On continue donc aujourd'hui l'étude de cette épître immense de l'éminent cheikh, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala, intitulé « Les six fondements ». Dans le quatrième fondement, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Le quatrième fondement est l'explication de ce qu'est la science et le fiqh, et qui sont les savants et les fuqaha, ainsi que ceux qui s'apparentent à eux alors qu'ils n'en font pas partie ». Allah a exposé ce fondement au début de la sourate Al-Baqarah à partir de sa parole Subhanahu wa ta'ala Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi awfi bi'ahdikum. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et ce jusqu'à sa parole Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples, c'est-à-dire tous les peuples de l'époque. Et ce fondement est encore plus expliqué par ce qui est mentionné clairement dans la sunna à ce sujet, comme nombreuses paroles explicites et claires, même pour le plus simple d'esprit parmi les personnes du commun. Ceci devint par la suite une des choses les plus étranges. La science et l'instruction religieuse furent considérées comme innovation et égarement, et leur alternative est de dissimuler le faux sous l'apparence de la vérité. Et désormais, celui qui prononce la science qu'Allah a prescrite aux créatures et qu'il a louée, celui-ci est déclaré hérétique ou fou. Et quiconque la condamne et s'en éloigne, et compose des ouvrages mettant en garde contre elle et l'interdisant, est alors considéré comme savant et érudit. Dans ce fondement, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc voulu attirer notre attention sur ce qu'est la science et qui sont les savants. Et ce qui est visé par la science ici, c'est la science religieuse. La science de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme preuve et comme guidée. Donc la science, au sujet de laquelle sont venus éloges et compliments, est la science religieuse. La science de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le livre et la sagesse, c'est-à-dire la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui à qui Allah veut un bien, il lui accorde la compréhension de la religion, ou il l'instruit en religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, certes les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils n'ont laissé en héritage que la science. Ainsi, celui qui l'apprend aura certes pris une part prospère. Et il n'y a pas de doute que la science qu'ont laissé en héritage les prophètes alayhim salatu wa sallam est la science religieuse. Et ceci ne veut pas dire que nous rejetons le bénéfice présent dans les autres sciences. Mais ce que nous disons et ce que nous soutenons, c'est que le bénéfice pouvant être présent dans une science non religieuse, il est restreint à son profit pour la communauté. Si elle ne profite pas aux musulmans, ou au contraire qu'elle nuit à la communauté, alors il faut la délaisser. Mais si cette science aide à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'au soutien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les serviteurs d'Allah profitent de cette science, alors dans ce cas, il y a en elle un bien et un intérêt. Quoi qu'il en soit, les éloges rapportés sur la science, ainsi que sur ceux qui la recherchent, visent la science du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de cela, si une science mène au bien, alors c'est un bien, incha'Allah. Et si elle mène au mal, alors c'est un mal duquel on doit s'écarter. Et si une science ne mène ni au bien ni au mal, alors elle n'est que perte de temps et futilité. Et sachez, mes frères, que la science religieuse comporte de nombreux bénéfices. Et nous allons en citer ici quelques-uns, incha'Allah ta'ala. Parmi ces bénéfices, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens de science dans l'au-delà ainsi que dans ce bas monde. Dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens de science en degré selon ce qu'ils ont accompli comme appel à Allah subhanahu wa ta'ala et comme mise en pratique de la science qu'ils ont acquise. Et ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens de science parmi ses serviteurs selon ce qu'ils ont accompli. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Ceci fait donc partie des bénéfices de la science. Parmi ces bénéfices également, il y a le fait que la science religieuse est l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il l'a lui-même dit, « Certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. Ils n'ont laissé en héritage que la science. » Ils n'ont laissé en héritage que la science, c'est-à-dire la science religieuse. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ainsi, celui qui l'apprend aura certes saisi une part prospère. » La science religieuse est donc l'héritage que nous a laissé notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et libre à chacun de nous de faire des efforts afin de saisir une part prospère de cet héritage. Un jour, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, est passé par le marché de gens de Médine. Et il a dit en s'adressant aux gens, « Qu'ai-je à vous voir ici, alors que l'héritage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est en train d'être partagé ? N'allez-vous donc pas prendre votre part ? » Les gens lui ont alors demandé, « Où est cet héritage, ya Abu Huraira ? Où est cet héritage qui est en train d'être partagé ?» Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il les informa alors que cet héritage était partagé à la mosquée. Ils se sont alors empressés de se rendre à la mosquée. Pourquoi ? Car ils souhaitaient obtenir une part de cet héritage. Et Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il resta à les attendre. Lorsqu'ils sont revenus, ils lui ont dit, « Ya Abu Huraira, nous nous sommes rendus à la mosquée et nous y sommes entrés et nous n'avons vu aucune chose en train d'être partagée. » Il leur a alors demandé, « Et vous n'avez vu personne à la mosquée ?» Ils lui répondirent, « Si, nous avons vu des gens prier. » Nous avons vu d'autres lire le Coran et d'autres en train d'étudier le licite et l'illicite. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il leur a alors dit, « Malheur à vous, malheur à vous, ceci est l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Ce récit, il est rapporté par l'imam al-Tabarani rahimahullah et l'imam al-Albani rahimahullah l'a jugé bon. Et ceci nous prouve l'importance pour le musulman de saisir une part de la science qu'a laissé en héritage le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bénéfices de la science également, il y a le fait qu'elle fait partie de ce qui reste profitable pour l'homme après sa mort. Il est certes confirmé dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le serviteur meurt, ses œuvres s'interrompent, à l'exception de trois. Une aumône continue, une science dont on profite ou un enfant pieux qui invoque en sa faveur. » Ainsi, celui qui laisse derrière lui une science dont les gens profitent après sa mort, il sera rétribué en bien pour cela alors qu'il se trouve dans sa tombe. Alors que ses œuvres sont interrompues, il continuera de profiter des bénéfices de cette science qu'il a laissée pour les gens après sa mort et dont les gens continuent de profiter. Parmi ces bénéfices également, il y a le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a incité personne à envier une autre personne pour un quelconque bienfait si ce n'est pour deux bienfaits qui sont la recherche de la science et sa mise en pratique et la richesse des pensées au service de l'islam. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de hasad, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'envie permise, sauf dans deux cas. Un homme à qui Allah a donné des biens qu'il dépense rapidement pour la vérité et un homme à qui Allah a donné la sagesse, c'est-à-dire la science par laquelle il juge et qu'il enseigne. » Ce hadith est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis d'envier ces deux catégories de personnes. Mais il est important de souligner ici que ce qui est voulu par l'envie, c'est que tu désires le même bienfait que ton frère sans souhaiter qu'il le perde ou qu'il en soit privé. Car le fait que tu désires obtenir un bienfait à la place de ton frère ou que tu l'obtiennes et que lui en soit privé, alors ceci est une chose blâmable. Mais ce qui est visé par le hadith, c'est que tu désires obtenir le même bienfait que lui, sans que lui en soit privé. Parmi les bénéfices de la science également, il y a le fait que la science est une lumière. C'est une lumière par laquelle tu t'éclaires afin de savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et également comment te comporter avec les gens. Ainsi, plus tu apprendras la science et plus tu seras éclairé par cette lumière et tu avanceras alors avec science et clairvoyance, incha'Allah ta'ala. Quant à celui qui n'apprend pas, celui qui ne recherche pas la science, tu le verras plonger dans l'obscurité. Dans l'obscurité de l'ignorance, il tombera alors dans de nombreux méfaits. Tu le verras tomber dans les péchés, tomber dans les innovations, ou pire encore, dans la mécréance, car il ne s'est pas éclairé par la lumière de la science, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Parmi les bénéfices de la science également, pour celui qui l'acquiert, il y a aussi le fait que le savant est lui-même une lumière. C'est-à-dire que c'est une lumière par laquelle les gens se guident dans leurs affaires religieuses et mondaines. Et vous connaissez certainement l'histoire de l'homme, parmi les enfants d'Israël, qui a tué 99 personnes, puis a souhaité se repentir. Il a alors interrogé un homme dévot, un adorateur, afin de savoir s'il pouvait se repentir. Mais le dévot, il a trouvé cette chose trop grave. Il lui a alors dit non, qu'il ne pouvait pas se repentir. Qu'est-ce que l'homme a fait ? Il l'a tué aussi et il compléta ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Il s'est ensuite renseigné au sujet d'un savant, puis il est parti le voir pour l'interroger. Le savant l'a alors éclairé par la lumière de la science et il l'a orienté vers ce qui était profitable pour lui ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et il lui a répondu qu'il pouvait se repentir et que rien ne peut s'interposer entre lui et le repentir. Et il lui a ensuite indiqué une contrée dont les habitants sont vertueux afin qu'ils rendent. Et ce car celui qui a commis des péchés dans un endroit, lorsqu'il se trouve dans cet endroit, il se rappelle de ses péchés passés. Il revoit les endroits dans lesquels il a commis ses péchés ou les gens avec lesquels il les a commis. Donc en s'éloignant de cet endroit, il s'éloigne ainsi de ces choses qui pourraient le pousser à rebrousser chemin et à retomber dans les péchés. Et ceci est un bienfait de la hijra. Ceci est un bienfait de l'émigration sur le sentier d'Allah. Que l'homme quitte cette terre sur laquelle il a commis des péchés pour se rendre sur une terre d'islam et d'obéissance afin de se rapprocher au mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme, il s'est donc rendu vers la contrée que lui avait indiqué le savant, puis la mort lui est venue en chemin. Ce récit est connu et ce qui est visé ici, c'est la différence flagrante entre l'ignorant et le savant. Et on tire comme bénéfice de ce récit plusieurs choses. Premièrement, que l'adorateur, il n'a pas plus de science que le savant. Car certaines personnes, ils pensent que l'adorateur, il est plus à même de répondre aux questions des gens que le savant. Il se laisse ainsi berner par l'adoration du dévot au détriment de la science du savant. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce récit, il y a le fait que revenir au savant est une cause de réussite et une façon d'obtenir le salut ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Regardez cet homme, lorsqu'il est revenu vers le savant, il l'a orienté et lui a indiqué ce qui était profitable pour lui ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Troisièmement, parmi les bénéfices de ce récit, il y a le fait que le musulman, il doit prendre garde à n'interroger qu'un vrai savant, un savant auquel il a confiance quant à son savoir et sa piété, et il ne doit pas interroger n'importe qui. Quatrièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a une mise en garde claire et évidente quant au fait de répondre aux questions sans science, comme cela est malheureusement répandu de nos jours, et c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on implore l'aide et le secours. Les savants, ils sont donc pour nous comme des lumières. Et je vais ici vous lire une très belle parole de l'imam Al-Ajurri rahimahullah, qui illustre très bien cela. Il a dit, rahimahullah, qu'Allah vous fasse miséricorde. Que pensez-vous d'un chemin rempli d'embûches que les gens ont besoin d'emprunter durant une nuit obscure? Et s'ils le font sans lumière, ils se perdront. Allah leur accorde alors des lampes qui les éclairent. Ils peuvent ainsi emprunter ce chemin en toute sécurité. D'autres gens qui ont également besoin d'emprunter ce chemin viennent ensuite. Ils le font alors et c'est à ce moment-là que les lampes s'éteignent. Ils sont alors plongés dans l'obscurité. Selon vous, que va-t-il leur arriver ? Il dit ensuite, rahimahullah, les savants sont comme ces lampes pour les gens. Nombre de gens ne sauraient pas comment accomplir leurs obligations, ni comment se prémunir des interdictions, ni comment adorer Allah comme il se doit sans la présence des savants. Par conséquent, si les savants meurent, les gens se perdront, la science disparaîtra à leur mort et l'ignorance se propagera. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. La mort des savants est la plus grande calamité qui touche les musulmans. Ceci est donc la parole de l'imam Al-Jurri rahimahullah ta'ala qui nous montre l'importance des savants pour la communauté musulmane. Une fois que ceci est clair, il est alors indispensable pour nous de savoir qui sont ces savants, qui sont les vrais savants, et ce afin de profiter d'eux. Ces savants, ce sont les savants rabbaniyoun, ceux qui éduquent les gens sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas sur les passions et sur les innovations. Ils appellent à Allah avec science et clairvoyance, suivant le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي » dit « Voici ma voix, j'appelle les gens à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. » Ce verset, il nous expose donc la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans l'appel à Allah et le prêche. Et c'est cette voie que ses suiveurs doivent emprunter, moi et ceux qui me suivent. Ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent donc emprunter ce chemin dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. J'appelle les gens à Allah, c'est-à-dire à la religion d'Allah, et non pas à ma personne, et non pas à mon parti, et non pas à mon groupe. Mais le but de mon appel est que les gens suivent et s'accrochent à la vérité venant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et du messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. J'appelle les gens à Allah comment? Avec clairvoyance, me basant sur les preuves du livre et de la sunnah, et non pas sur les passions et les innovations instaurées par ceux qui se détournent de cette voie. Le vrai savant est donc celui qui emprunte cette voie dans l'appel à Allah. Il appelle sincèrement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et au suivi du livre et de la sunnah, et ce, en se basant sur des preuves évidentes, et non avec ignorance. Et nous avons besoin de connaître ces savants, afin de les distinguer de ceux qui s'apparentent à eux alors qu'ils n'en font pas partie. En effet, il y en a qui s'apparentent aux savants dans leur aspect ou dans leur allure. Il y en a qui s'apparentent aux savants dans leur façon de parler ou leur façon d'agir. Mais en réalité, ce ne sont pas des savants et ils ne sont pas semblables aux savants quant aux bons conseils et la loyauté envers les musulmans ainsi que dans la volonté de la recherche et du suivi de la vérité. Ces gens-là qui s'apparentent aux gens de science alors qu'ils n'en font pas partie, quelle est leur alternative? Leur alternative est de mêler le faux à la vérité et de formuler le faux à travers des expressions enjolivées et ce afin de tromper les gens. Ils présentent donc aux gens innovation et égarement et les gens pensent que cela est la science. Et ils pensent que ce qui s'oppose à cela ne peut être prononcé que par un hypocrite ou un fou. Ils mêlent donc le faux à la vérité, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela lorsqu'il a dit, dans les versets auxquels l'auteur a fait allusion dans Surat al-Baqarah, « وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Et ne mêlez pas le faux à la vérité, et ne cachez pas la vérité alors que vous savez. Ils mêlent le faux à la vérité, car les gens ne peuvent pas accepter le faux ainsi. Ils le mêlent donc à la vérité afin de les tromper. Et ils cachent la vérité dont ils ont connaissance et ils ne la mettent pas en évidence. Ils sont ainsi des prêcheurs aux portes de l'enfer et non pas des prêcheurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens de la parole de l'auteur rahimahullah. Et c'est comme s'il faisait allusion ici aux imams des gens de l'innovation. Ceux qui égarent les musulmans et qui diffament les gens de la sunna en les accusant de ce dont ils sont innocents et ce afin de détourner les gens d'eux et qu'ils ne prennent pas d'eux. Et ceci fait aussi partie de leur ruse. Et c'est l'héritage de ceux qui ont transgressé parmi ceux qui les ont précédés et qui ont traité de menteurs les messagers, alayhim salatu wa salam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Ainsi, aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit « c'est un magicien ou un possédé ». أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ تَاغُونَ. Et est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. Voici donc de qui sont les héritiers, ceux qui donnent aux gens de la sunna toutes sortes de sobriquets, voulant ainsi éloigner la communauté des gens de la vérité, afin de les faire plonger dans l'égarement, afin de les faire plonger dans les innovations et les passions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur accorde pas la réussite et qu'il préserve la communauté de leur mal. Ceci était donc, en résumé, quelques bénéfices tirés de ce quatrième fondement, mettant en évidence les bienfaits de la science et les mérites des savants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala